Jean Bosco, Douiman. Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes jeudi 6 octobre 2016. Voici les grands titres de ce journal parlé en français. Une trentaine de téléphones portables et des cartes de recharge de la compagnie de téléphonie mobile, le Lumitel, ont été volés aux agents de cette compagnie à Niagassassa, en commune Mugamba de la province Bururi. C'était la nuit dernière et la police court toujours derrière ces bandits qui étaient armés d'un pistolet, selon des agents. La mobilisation ne faiblit pas chez les enseignants pour réclamer d'être rétablis dans leurs droits après l'opération de redéploiement qu'ils qualifient de très irrégulier. Ils sont retournés assiéger le ministère de tutelle et ne comptent pas quitter les lieux. Reportage dans cette édition. Deux hommes récemment rentrés d'Ouganda ont été arrêtés ce lundi en commune Mwakiro. Le gouverneur de Muyinga nie tout lien de leur interpellation avec leur séjour à l'étranger, affirmant dans le même temps que 2000 ressortissants de sa province se sont déjà rapatriés de leur gré. Et en actualité internationale, l'ex-premier ministre portugais António Guterres émerge comme grand favori au poste de nouveau secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, je venais de vous le dire, une trentaine de téléphones portables, des cartes de recharge et une somme d'argent encore connue ont été volées aux employés de la téléphonie de la compagnie de téléphonie mobile Lumitel, opérant à Niagassassa en commune Mugamba de la province Bururi. C'était lors d'une attaque armée le soir de ce mercredi. La police indique être à la poursuite de ces bandits qui n'ont pas été identifiés. Jean-Pierre Misako. 30 téléphones simples, 3 smartphones, des cartes de recharge de 300 francs chacune, 800 cartes de recharge de 500 francs burundais chacune et plus de 100 000 francs burundais ont été volés à 8 employés de Lumitel à l'antenne Niagassassa en commune Mugamba. C'était aux environs de 18h40 de ce mercredi selon des sources sur place à Niagassassa. Le commissariat provincial à Bururi confirme l'information et indique que 7 hommes armés d'un fusil de type pistolet sont les auteurs de ce banditisme. Selon la police à Bururi, un seul coup de fusil a suffi pour que les assaillants s'emparent de leurs butins. Les employés de Lumitel se sont dispersés dans la nature quand ces assaillants s'apprêtaient à cambrioler la camionnette de cette société. Ils sont revenus après l'intervention des militaires qui n'a pas pu mettre la main sur ces présumés bandits qui avaient déjà pris le large. Le dernier employé de Lumitel est revenu de sa cachette ce jeudi matin, selon la police à Bururi, qui indique du coup qu'elle recherche activement ces présumés bandits. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Et la famille de Timothée, arrêtée avec Jean Bosco, Moïse Winhore par la police au quartier Djabé de la zone Ouiza ce mercredi, dit ne pas comprendre la cause de cette arrestation. Concernant Jean Bosco, qui est accusé de crime qu'il aurait commis, cette famille dit qu'elle le reconnaît vivant avec Timothée au même domicile, mais qu'il n'y a pas d'indice pouvant indiquer qu'il aurait commis ces crimes. Suivez la sœur de Timothée, traduite en français par Alida Daïkez. Ils sont accusés injustement de crime. Timothée est venu à Bujumbura par mutation lors de la période des manifestations. Il ne s'est jamais impliqué dans ces dernières. Quant à Jean Bosco, il souffre de maladies chroniques. Il connaît chaque fois des crises liées à ces maladies. Je ne pense pas qu'il soit impliqué dans ces manifestations. Ils vivaient ensemble. Il y a un cas qui s'est passé. Une femme du voisinage est venue et a causé une bagarre au domicile de Timothée. Il a après porter plainte en justice contre Timothée et Bosco. Ces derniers avaient présenté leurs moyens de défense et la justice avait constaté qu'ils n'avaient aucune responsabilité. On pensait que cette affaire était terminée, mais voilà qu'ils sont arrêtés. Seulement, les policiers ont d'abord mené une fouille perquisition, mais ils n'ont pas trouvé d'armes. Nous n'avons même pas vu de mandat d'arrêt pour qu'ils soient arrêtés. Nous demandons qu'ils soient relâchés, puisque le chef d'accusation est incompréhensible. Ce ne sont que de purs mensonges. Et le porte-parole de la police avait fait savoir ce mercredi que ces personnes sont poursuivies pour les crimes qu'ils auraient commis lors des manifestations de l'année dernière et que les enquêtes se déroulent normalement. Un homme qui avait disparu depuis deux semaines en commune Rougazi de la province Bubanza est réapparu ce mercredi. Lorsqu'on était à sa recherche, des personnes inconnues répondaient sur son téléphone portable disant qu'il a été enlevé et qu'il fallait une rançon pour le relâcher. À son arrivée ce mercredi, il a été aussitôt arrêté par la police pour des enquêtes. Spécialitas Kavanyana. Cet homme connu sous le nom d'Ombuze Nakamwe, de la colline Butavuka en commune Rugazi, avait été perdu de vue depuis bientôt deux semaines, ce qui a causé un climat malsain entre sa famille et un voisin à qui il devait une dette d'un certain montant d'argent, un conflit qui était déjà porté au niveau de la police judiciaire selon des sources policières. C'est ainsi qu'Ombuze Nakamwe a préféré vider les lieux sans avertir qui que ce soit il y a de cela deux semaines. Quand on était à sa recherche, il ne répondait pas sur son téléphone, c'est plutôt d'autres ces personnes qui répondaient en disant qu'il était dans leurs mains, qu'il a été kidnappé et qu'il fallait une rançon de 150 000 francs pour le relâcher. Cela a été également confirmé par l'administrateur de la commune Rugazi lors d'une réunion de sécurité tenue par le gouverneur de Bubanza ce mardi. Ce mercredi, cet homme est revenu dans sa famille à Butavuka en commune Rugazi et les habitants de cette colline ont vite alerté la police qui l'a directement arrêté. À la question de savoir où il était, il y répondait tantôt qu'il a fui parce qu'il était poursuivi en justice, tantôt qu'il avait été enlevé et sans d'autres explications. Il est pour le moment détenu au cachot de police judiciaire pour enquête selon Damien Emmanuel Nizigimana, commissaire provincial de la police dans cette province de Bubanza. Pescaritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Cap maintenant sur Muyinga, je vous l'avais dit dans les titres. Plus de 2000 Burundais se sont déjà rapatriés en province Muyinga. Les effectifs sont fournis par l'administration provinciale alors que deux hommes récemment rentrés de l'Ouganda ont été arrêtés en commune Mwakiro ce lundi. Le gouverneur de cette province encourage le rapatriement et indique que cette arrestation n'a rien à voir avec le séjour à l'étranger de ces deux individus aujourd'hui sous interrogatoire. Dieudonné Nzeyimana. La commune avec le plus de rapatriés d'après l'administration provinciale et ses deux guitéraniers, sur 2475 exilés, plus de 1700 ont rejoint le pays natal d'après Denise Ndavekere, conseiller du gouverneur de la province Muyinga sur des questions sociales. Le rapatriement est signalé pour toutes les communes d'après le même conseiller, avançant l'effectif de 211 rapatriés pour le mois d'août et septembre. Au total, sur 4342 exilés à partir de cette province, environ 2500 sont rentrés, conclut la même autorité, soulignant que cette province est aussi le point de passage des rapatriés vers d'autres provinces. C'est le cas de deux familles constituées de 9 personnes affirmant rentrer à partir du cas de Nakivale en Ouganda. Ils sont arrivés à Muyinga lundi pour enfin être transférés vers Chibitoke, province d'origine. Pour Aline Manirabarusha, gouverneur de la province Muyinga, les administratifs sont toujours prêts à accueillir à bras ouverts tous les exilés. C'est après que lundi, des hommes récemment rentrés de l'Ouganda aient été arrêtés à Mwakiro et conduits au cachot de la police judiciaire de Muyinga. Pas de conviction à faire entre le mouvement de rapatriement et cette arrestation pour des raisons d'enquête. Les services habilités les interrogent. S'il s'avère qu'ils n'ont aucun lien avec des malfaiteurs, ils seront relaxés suivant la procédure normale d'après le même gouverneur. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga, Radio Isanganiro. 13h03 à Bujumbura et sur Isanganiro, éducation après cette pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Malgré la décision prise par la commission chargée du redéploiement, certains enseignants continuent à faire le sit-in au bureau du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces enseignants expliquent qu'ils vont rester devant ce bureau jusqu'à ce que justice leur soit rendue. Reportage signé Yves Monziman. Environ plus de 50 enseignants restent toujours devant le bureau du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces derniers indiquent que pour eux, le délai de recours n'a pas terminé parce qu'ils ne sont pas encore satisfaits. Avec le redéploiement, il y a eu une injustice. C'est-à-dire que la commission n'a pas travaillé sur nos revendications. Je vous fais un petit exemple pour mon cas. Le principe était que le dernier à être arrivé devait être le premier à partir, c'est-à-dire à être déployé. Or, par exemple, au niveau de mon établissement, il y en a qui sont restés là, qui n'ont pas été inquiétés alors qu'ils étaient arrivés après moi. En deuxième ligne, au niveau des critères, on avait dit que s'il y a un enseignant qui a été redéployé avant et tout autre engagement, il faut revenir d'abord l'enseignant qui a été redéployé. Or, pour mon école, par exemple, j'ai été redéployé et puis on a, avec la deuxième commission, il a été affecté deux enseignants. Et je me demande, est-ce que j'ai été redéployé parce que j'étais incompétent? Est-ce que ces enseignants qui ont été affectés à cet établissement, est-ce qu'ils n'étaient pas de même diplôme que moi? Ce sont des questions pareilles. Nous sommes ici donc aujourd'hui, c'est pour chercher la justice parce que nous avons constaté qu'avec la commission au niveau de province, il n'y a pas eu de traitement de nos revendications. Mais pourquoi nous prendre comme des déserteurs du moment que nous avons des revendications? Qu'on satisfaise d'abord à nous, qu'on nous reçoive, qu'on nous écoute. D'autres enseignants qui n'ont pas voulu s'exprimer à nos micros indiquent que le travail de la commission n'a pas respecté les conditions du redéploiement et demandent au ministère et à l'éducation dans ses attributions de les rétablir dans leurs droits. Et les femmes de la province Kayanza ayant 30 ans et plus sont appelées sans exception aucune à faire les consultations relatives au cancer de l'utérus, troisième maladie qui emporte plus de femmes au Burundi selon Dr Mireille Alida Uwimana. Elle est spécialiste de cette maladie et cela se dit au moment où l'hôpital de Kayanza vient d'être doté d'un service de biothérapie. Apollinaire Mozagara. À travers les discours prononcés lors d'une réunion de sensibilisation des femmes, tous les orateurs ont indiqué que cette maladie vient en troisième position au Burundi, parmi celles occasionnant plus de décès chez les femmes. Au Burundi, on dénombre, selon des études déjà menées, 1421 cas de femmes souffrant de cancer de l'utérus par an. Et parmi elles, 1080 meurent chaque année. Cela a poussé l'ONG Pathfinder International à doter à cet hôpital de Kayanza d'une méthode de prévention et de traitement de cette maladie au stade moins avancé, méthode dite biothérapie, et tout cela gratuitement. Le choix de la province Kayanza a été motivé, selon le responsable de Pathfinder International, par le fait que cette province et celle environnante accusent un taux de natalité le plus élevé du Burundi. Et pour ça, toutes les femmes ayant 30 ans et plus sont appelées à venir se faire consulter à cet hôpital en vue de diminuer ces décès. Lors d'une réunion de sensibilisation tenue ce jeudi à Kayanza, les autorités administratives et religieuses sont appelées à prendre le devant dans cette sensibilisation des femmes. De Kayanza, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et un conseiller collinaire du nom de Joseph Miburo de la colline Chirambo de la commune Gitaramuka en province Karusi a été limogé de ses fonctions depuis la fin du mois passé. L'administrateur communal affirme que ce responsable collinaire a été suspendu seulement et que l'administration fait encore des enquêtes sur les accusations portées contre lui. Blaise Pascal Kararumi. Joseph Minburo est le conseiller collinaire de la colline Chirambo, de la commune Gitaramuka de la province Karusi, et qui vient d'être limogé de ses fonctions depuis le 30 septembre. Il est accusé de ne pas organiser les travaux de développement communautaire, d'amener les agents de la police à arrêter certains gens pendant la nuit sur cette colline, mais aussi de reporter certains habitats contre certaines décisions qui sont prises par le conseiller collinaire dont il est membre. Minburo Joseph rejette en bloc toutes ces allégations qui sont annoncées par l'administrateur communal Jeannette Ngabire. Il indique qu'il est victime d'être membre du FNL Erdagato Gwansa et qu'il a refusé d'appartenir au parti au pouvoir. Il explique qu'il travaille en bonne collaboration avec le premier conseiller et ce dernier le confirme même. Miguel Joseph signale être victime qu'il a refusé qu'un groupe de jeunes gens, sous la responsabilité d'un certain Chimilimana Santia, nomme même certains habitants par bastonnade. Il fait savoir qu'avec les victimes de cette bastonnade, ils ont saisi la police et que la police avait procédé deux fois de suite à l'arrestation de ce jeune homme. Mais le chef de zone, avec plusieurs jeunes de la colline, ont fait opposition à la police pour son arrestation. Le député Claver Choitungi, Elia Karusi, est natif de cette commune, dans la coalition Amis de Ryavarundi, demande le respect de la loi pour que cette élite collinaire ne soit victime de son appartenance politique. Et même que ces gens qui ont été pris par ces jeunes soient réhabilités dans leurs droits. L'administrateur Jeannette Ngabire affirme que Miburo Joseph a été seulement suspendu pour une période de 3 ans pour permettre l'enquête des allégations portées contre lui. Pour la mésentente qui se parle entre les adeptes du parti au pouvoir et CDF Ner Erdagatou. Sur cette colline et dans les collines voisines, l'administrateur communal la confirme en signalant que cela était même la cause de leur descente sur cette colline avec 14 conseillers communaux. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumi pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. L'avenue Gassi, partant de l'endroit communément appelé Manouka, passant par le quartier Kinanila 3 en zone Moussaga vers le lycée international, est impraticable depuis 8 mois. Cela fait suite à la coupure du pont reliant cette avenue à la rivière Mimba qui a débordé. Les habitants de Kinanila demandent que cette avenue soit réhabilitée. Le chef de zone Moussaga, quant à lui, indique avoir soumis ce problème aux autorités hiérarchiques. Évariste Nzikobanyanga nous fait le point. Ceux qui exercent diverses activités dans les parages de la rue Gassibé impraticable d'il y a plus de 8 mensualités, de même que ceux qui empruntent cette avenue passant dans Kinanila 3, indiquent avoir enregistré de pertes énormes. Cet homme rencontré sur place ne comprend pas pourquoi le pont reliant le tronçon Manouka et celui provenant du lycée international coupé par la rivière Mimba n'est jusqu'aujourd'hui réhabilité. J'ai l'impression que cette avenue a été abandonnée. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. C'est une perte et pour la population et pour l'État. Cet homme est propriétaire d'un salon de coiffure près de l'avenue Gassibé. Il témoigne que certains propriétaires des boutiques dans cette localité ont fermé suite au manque de clientèle. Plusieurs ont travaillé à perte. J'ai un salon de coiffure ici à côté. Franchement, le commerce est au point mort. Il y a ceux qui vendent aux pommes de terre là en haut. Les gens qui passaient sur cette route avec des marchandises ne viennent plus. Les passants sur cette avenue ont du mal à traverser. Les usagers des taxis-motos et leurs conducteurs s'indignent du fait qu'ils n'arrivent pas à destination. Comme les premiers intervenants, ce motard demande que ce pont soit réhabilité. Il faut que ce pont soit réhabilité pour que l'on puisse passer et faire arriver nos clients à leur destination. Celui-ci se rend à Gasekebouye et je devrais le conduire jusque là. C'est vraiment dur. Le chef de zone Moussaga indique être au courant de la situation et que sa zone n'a pas de moyens pour réhabiliter cette avenue. Antoine Rumenietso dit avoir alerté ses supérieurs afin qu'ils donnent rapport à la direction générale en charge des routes. Entre-temps, les habitants de Kinanila 3 ont érigé un petit pont de secours qui, d'un moment à l'autre, risque d'être emporté par les eaux de la rivière Mimba. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez partout dans le monde. Dans l'actualité internationale, l'ex-premier ministre portugais Antonio Guterres émerge comme grand favori au poste de nouveau secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En République démocratique du Congo, la Belgique réduit la durée des visas à 6 mois pour les diplomates congolais contrevenant auparavant. Et aux États-Unis, les habitants de certains États se préparent à l'arrivée de la tempête dite ouragan ce jeudi. Et celle-ci a déjà fait des morts en Haïti. Aubin Niyonguru. Au moins 23 personnes ont été tuées et 3 autres sont portées disparues en Haïti après le passage du puissant ouragan Matthew entre dimanche et lundi, écrit le site de RFI. Selon les données qu'a pu collecter la protection civile haïtienne, déjà plus de 21 000 personnes sont actuellement réfugiés dans les abris provisoires. Les opérations d'urgence pour venir en aide aux populations touchées sont compliquées par l'effondrement d'un pont sur la route nationale partant de la capitale. La région du Grand Sud est encore coupée du reste du pays. En RDC, en raison de la situation politique actuelle, le ministre belge des Affaires étrangères a décidé de limiter à 6 mois la durée des visas accordés aux responsables de ces pays. Selon le même site de RFI, Didier Rondas rappelle l'importance de la poursuite et de la réussite d'un dialogue national entamé le 1er septembre à Kinshasa. L'ex-premier ministre portugais Antonio Guterres émerge comme grand favori au poste de nouveau secrétaire général des Nations Unies, écrit le site de BBC. Aucun des 5 membres permanents de l'ONU ne s'est opposé à sa candidature lors des scrutins préliminaires, ce qui signifie que le vote officiel de ce jeudi, qui doit le confirmer, ne devrait être qu'une formalité. Son mandat, comme successeur de Ban Ki-moon, commencera en début d'année prochaine. Merci Aubin, c'est la fin de ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Une trentaine de téléphones portables et des cartes de recharge de la compagnie de téléphone immobile Lumitel ont été volés aux agents de cette compagnie à Nyagasasa, en commune Mugamba de la province Bururi. C'était la nuit dernière et la police court toujours derrière ces bandits qui étaient armés d'un pistolet selon des agents sortis de sa cachette après le forfait.